n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible. S'enrichissent. Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse à ce niveau-là, c'est du vol. Mais comment pouvez-vous dire ça? Mais parce que. Mais comment. Quelqu'un qui sent. Comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça?